Si vous voulez dire « je dois me dépêcher », là vous avez un verbe porte-manteau, donc il faudra utiliser l'infinitif. Alors comment direz-vous « je dois me dépêcher » ? Ich muss mich beeilen. Bien. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Ich muss, je dois, on a là un verbe porte-manteau. Comme pour tous les verbes porte-manteau, on emploie la même forme pour je et pour il, elle et ça. Ich muss, er muss, sie muss, es muss. Tandis que pour wir, nous, et sie, vous, le vous de politesse, la forme prise par le verbe est celle de l'infinitif. Müssen. Müssen avec le umlaut. Müssen. Donc, nous devons nous dépêcher, ça donnera wir. Wir müssen. Bien. Encore une fois. Wir müssen. Oui. Wir müssen. Nous dépêcher. Uns beeilen. Bien. Wir müssen uns beeilen. Il doit se dépêcher. Muss. Er muss. Tout à fait. Er muss. Er muss sich beeilen. Très bien. Er muss sich beeilen. Donc, sich sert à dire il se dépêche, elle se dépêche, vous vous dépêchez. Et on le retrouve à l'infinitif, bien sûr. Sich beeilen. Pour dire on en allemand, comme dans on doit se dépêcher, vous pouvez utiliser man. Ça s'écrit M-A-N. Par exemple, on doit, c'est man muss. Man muss. À vous? Man muss. Man muss. Oui. Comment diriez-vous on doit se dépêcher? Man. Man muss sich beeilen. C'est ça. Man muss sich beeilen. Ou bien nous devons nous dépêcher. Wir. Wir müssen. Wir müssen. Oui, nous dépêcher. Nous, dans ce sens, c'est uns beeilen. Bien. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Et avec le vous de politesse, vous devez vous dépêcher. Sie müssen. Sie müssen. Vous devez. Vous dépêcher. Ici, le « vous » se traduit « Sie müssen sich beeilen ».« Sie müssen sich beeilen ».« Sie müssen sich beeilen ». Comment diriez-vous au futur « je me dépêcherai »,« je vais me dépêcher »? « Ich werde »« Ich werde »« me dépêcher »« mich beeilen ». Bien. Ich werde mich beeilen. Et nous allons nous dépêcher. Nous nous dépêcherons. Wir werden. Wir werden, oui. Uns beeilen. Tout à fait. Wir werden uns beeilen. Et pour donner un ordre, par exemple, comment dites-vous « restez, s'il vous plaît » ? Bleiben Sie bitte. Bleiben Sie bitte. Bien. Et si maintenant vous voulez dire dépêchez-vous s'il vous plaît. Il vous faut ajouter sich. Comment diriez-vous dépêchez-vous s'il vous plaît? Beeilen Sie sich bitte. Beeilen Sie sich bitte. Comment diriez-vous pouvez-vous vous dépêcher s'il vous plaît? Können Sie. Können Sie, oui, vous dépêcher? Sich beeilen, bitte? Bien. Können Sie sich beeilen, bitte? Ou, können Sie sich bitte beeilen?